Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 6 janvier 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 7 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir à tous les auditeurs et bonne année. Nous commençons pour cette première émission de 2016, le journal de la liberté surveillée par le clan de la presse. Alors, je reçois ce soir Jeanne Smith. Bonsoir chers auditeurs et bonne année. Je reçois également Jérôme Bourbon. Bonsoir et tous mes voeux au nom de toute l'équipe de Rivarol et des Écrits de Paris aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci. Joie, bonheur, santé, le paradis à la fin de vos jours, comme on disait dans l'ancienne France. Merci beaucoup pour eux. Et puis alors, Charlotte Dornelas n'est pas là, elle est en Syrie. Alors, écoutez, j'ai un petit nouveau qui la remplace et qui nous fait la gentillesse et l'honneur de venir. Il s'appelle Henri de Lesquin. Bonsoir Henri. Bonsoir. Alors évidemment, on peut croire que c'est un peu, je dirais, surprenant ce remplacement, mais je ne sais pas si vous avez vu le film des acteurs de Bertrand Blier. Il y a... André Dussolier qui est remplacé au pied levé par Josiane Balasco. Alors, c'est un peu mutatis mutandis, c'est la merci même. De la comparaison. Voilà. Non, j'apprécie énormément. Ce que nous perdons en féminité, nous le gagnons en virilité. Alors, vous apprendrez, Martin, que dans la presse, on fait l'attaque à la fin. In coda venenum. Mais vous, c'est dès le début. Mais tout de suite, parce que vous avez en fait, avant qu'on commence à bavasser d'un peu tout, une nouvelle à nous annoncer, Henri. Et alors, c'est le président de Radio Courtoisie qui va parler un peu. Voilà, alors là, je parle d'abord avec ma casquette de président de Radio Courtoisie. D'abord, je rappelle les deux décès de patrons d'émission qui viennent d'avoir lieu, malheureusement. Philippe Pierson, qui était le patron de chant traditionnel de France et d'Europe, émission diffusée pendant une heure à partir de 22h tous les samedis, nous a quittés à la suite d'une longue maladie, malheureusement, c'est bien triste. Et il est enterré demain à Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, dans le 5e arrondissement. 10h30. Demain, 10h30. Demain, donc, c'est aujourd'hui, pour ceux qui nous écouteront demain, en rediffusion. Donc, ce sera le 7. Ce sera le 7. Le 7. À 10h30, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Voilà, et j'y serai pour ma part. Et deuxièmement, François de Sainte-Marie, qui était patron d'émission du mercredi à midi jusqu'en 2012, qui avait démissionné pour raison de santé, vient de nous quitter. Et il sera enterré, lui, vendredi. Vous voyez, malheureusement, deux très mauvaises nouvelles. Vendredi, à 10h30 aussi, mais c'est à l'église Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. Vendredi 9 janvier. François de Sainte-Marie. Voilà, c'était deux bons amis. Enfin, je connaissais mieux d'ailleurs François de Sainte-Marie que Philippe Pierson. Mais c'était deux personnes de qualité, hein, vraiment de qualité. Et je pense que les auditeurs les ont beaucoup appréciés. Pour ce qui est de l'émission Chant religieux de France et d'Europe, nous allons continuer cette émission. En rediffusant ce qu'a fait Philippe Pierson et avant lui ce qu'a fait Thierry Bouzard. J'ai appelé Thierry Bouzard pour vérifier qu'il était d'accord pour qu'on rediffusât ces émissions. Et donc c'est ce qui va se faire. Donc comme nous le faisons pour Louis de Beaumont, après son décès, nous allons continuer à diffuser. Ce sont des émissions intemporelles. Le saint du jour, le dimanche, c'est intemporel. Et là, c'est le chant traditionnel de France et d'Europe, puisque c'est très, très, très traditionnel, c'est permanent. Alors, je voulais en fait aussi annoncer un grand changement dans notre programme des émissions. Et c'est le samedi à 18h. Vous savez que nous avions tous les soirs à Radio Courtoisie, sauf le samedi justement, ce livre journal du soir, qui aujourd'hui est dirigé avec brio par Martin Pelletier. J'aime à vous l'entendre dire. Continuez. De 18h à 21h, avec une rediffusion le lendemain à 14h et à 7h30. Oui. Sauf le samedi. Le samedi, il n'y avait pas de libre journal du samedi soir. Donc je me suis dit depuis longtemps que c'était une anomalie. Cette anomalie est corrigée. Donc nous allons créer ce libre journal du samedi soir à partir de samedi prochain, 9 janvier. 10 janvier 9 janvier. Samedi, c'est le 9 janvier 2016. Ah oui. Samedi 9 janvier 2016. Et il va être dirigé... Il s'appellera, pardon, j'oublie de le dire, Libre Journal de la plus grande France. C'est beau, hein, vous, c'est le Libre Journal de la Résistance française le samedi soir, là c'est le Libre Journal de la plus grande France. Ça veut dire quoi, les confettis de l'Empire, ça veut dire quoi? Alors là, la plus grande France, pour moi, enfin, chacun des patrons d'émission que je vais bientôt nommer aura sa propre interprétation, mais pour moi la plus grande France, c'est d'abord évidemment l'Empire colonial. Oui. La plus grande France, c'est une formule qui a été lancée en fait... par des gens que vous n'aimez pas, c'est-à-dire par la République maçonnique de Jules Ferry. Exactement. Ferry-Tonkin. Oui, Ferry-Tonkin. Tous les souvenirs glorieux de l'Empire colonial français. Oh bah pas tous, hein, quand même, Langson, c'était pas très... Mais c'est aussi, tout simplement, dans mon esprit, la plus grande France à bâtir, à développer, et celle de demain. Celle que vous et moi, Jeanne Smith, Jérôme Bourbon et moi... La France de la diversité, des... je comprends mal, allez-y. Il est terrible. Donc le livre, je parle sérieusement, le livre de la plus grande France, avec d'ailleurs un très bel indicatif qui a été choisi et proposé par Thierry Delcourt, l'un des trois patrons d'émission, qui est Eau douce France, pas le Eau douce France de Charles Trenet, qui n'est pas mal non plus, remarqué, le Eau douce France de l'armée française en Indochine. Musique posée sur une poésie de Charles d'Orléans. Ah, et vous verrez, c'est superbe. Eau douce France, c'est plus que chouette, c'est superbe. Donc, vous savez que nous avons un cycle de 4 semaines A, B, C, D. Et donc, le samedi de la semaine A, à 18h, on entendra Benjamin Blanchard, qui dirigera donc le Libre Journal de la plus grande France. Semaine B, et Thierry Delcourt, et semaine C, Benjamin, et semaine C, Philippe Pichot-Bravard. Voilà, qui vont donc se succéder ainsi, sachant que ça a des conséquences importantes, puisque ça veut dire que le lendemain, ça sera diffusé de 7h30 à 10h30, donc le libre journal de la promesse qui avait lieu à 8h30 disparaît. Et alors Marie-Amélie Djégère ne souhaitait pas continuer à diriger une émission. En revanche, Alain Sanders et Rémi Fontaine succèdent. C'est un jeu de, comment on dit, de taquin, des permutations. Les chaises musicales. De chaises musicales, si vous voulez. Non, parce qu'il reste. Dans les chaises musicales, il reste toujours quelqu'un qui perd. Bah alors, c'est Marie-Amélie Djégère, si vous voulez, mais c'est une mauvaise plaisanterie. Donc, Alain Sanders, en tout cas, succède à Thierry Delcourt. En semaine B du livre journal de Lumière de l'Espérance le dimanche à midi, et Rémi Fontaine succède à Philippe Pichot-Bravard en semaine C du livre journal de Lumière de l'Espérance le dimanche à midi. Et à l'occasion d'ailleurs, le livre journal de Lumière de l'Espérance va changer d'indicatif et va prendre comme indicatif Jésus que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach, qui est un très beau choix proposé par Alain Sanders. Donc pas un bouleversement, mais enfin un grand changement de la grille de programme de Radio Courtoisie. C'est comparable à deux changements qui ont eu lieu en 2007. L'un qui a été la création du livre journal de la nuit à 21h30. L'autre qui était la création du bulletin de réinformation. Donc c'est un nouvel étoffement de la grille. De toute façon, les auditeurs marcheront avec le programme. Ils vont tout de suite se... Alors ça dépend encore. Le nouveau programme n'est pas... la grille de programme n'est pas en ligne pour toutes les semaines sur le site internet, mais ça sera fait demain ou après-demain, en tout cas avant samedi. Et donc les auditeurs pourront de toute façon retrouver... Mais de toute façon, pour ceux qui ont un peu l'habitude de la radio, c'est le même principe. C'est un libre journal du soir, donc 18h, rendez-vous de 18h, le samedi comme tous les autres jours. Voilà, c'est, il n'y a plus de sabbat, tout se fait tous les jours, d'accord. Entendu. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le clan de la presse, et pour commencer cette année, on va partir à reculons et revenir un tout petit peu, si vous êtes d'accord, sur les régionales. Alors, qui veut parler de, le premier de ça? Peut-être, oui, je vois un doigt qui se lève, c'est Jérôme Bourbon. Mais alors ça, vous verrez toujours un doigt qui se lève. Avec Jérôme Bourbon, il faut le baïonner pour l'empêcher de parler. Je lasse ma femme, je l'ai déjà dit, moi. Bon, eh bien, donc, vous vous rappelez, lorsqu'on s'était retrouvés à la mi-décembre, on avait eu des commentaires peut-être légèrement, excessivement optimistes, peut-être, c'est parce que justement, on oublie parfois qu'une élection, ça a deux tours, et que le deuxième tour peut corriger parfois assez fortement le premier tour, en tout cas les leçons qu'on peut en tirer. Or, on a constaté, en effet, en une nouvelle fois, et c'est quelque chose qu'on constate depuis 30 ans, au fond, depuis les cantonales de 1985, et en gros, depuis l'émergence électorale du Front National il y a une trentaine d'années, qu'au second tour, sauf rare exception locale à l'échelle d'une petite commune, à l'échelle d'un canton, à l'extrême limite d'une circonscription, on se rappelle Marie-France Tirbois en 89, qui suite à l'affaire des foulards à Creil et ailleurs, avait bénéficié d'un élan qui lui avait permis de se présenter. Il est vrai qu'il y avait aussi une forte abstention cette fois-là, mais il est vrai qu'il y a quand même, malgré la progression quasi constante, en voie et en pourcentage du Front National, malgré l'aggravation des problèmes de la France sur toute une série de sujets, eh bien, il y a quand même toujours ce plafond de verre des 50% qui existe. Il est évident que lorsque les différentes formations politiques se coalisent, eh bien, les électeurs dans leur majorité, parce que c'est quand même les électeurs qui décident, qu'on le veuille ou non, même s'ils sont matraqués, sans doute, près des télévisions, la propagande, c'est vrai, mais enfin, il y a quand même une majorité de Français assimilés qui, soit par peur, soit par crainte, soit par rejet, eh bien, ne votent pas en faveur des candidats du Front National de manière majoritaire. Et ce plafond de verre, il existe, puisque finalement, j'ai regardé, il n'y a que dans le département assez petit du Vaucluse que Marion Maréchal Le Pen a dépassé au second tour les 50% des voix, mais il est vrai qu'elle bénéficiait du petit apport non négligeable de la Ligue du Sud. Ses électeurs s'étant, semble-t-il, massivement reportés sur elle. Mais ce plafond de verre, il existe. Et moi, je me rappelle, par exemple, en 88, lorsque Jean-Marie Le Pen, à la présidentielle, avait fait des scores remarquables dans les Bouches-du-Rhône, notamment à Marseille, tous les ténors du Front National de l'époque, j'en termine, tous les ténors du Front National de l'époque s'étaient présentés à Marseille et dans les environs, Stirbois, Maigret, Le Pen, etc. Et ils ont tous échoué au deuxième tour également. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas des alliances aussi ouvertes entre la droite parlementaire et la gauche que c'est le cas aujourd'hui. Donc, encore une fois, comme disait Maurras, la République gouvernementale, elle se défend bien. Mais je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que le mode de scrutin qui a été choisi avait été choisi, rappelez-vous, après les alliances qu'il y avait eu entre ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la droite classique et le Front National dans 5 conseils régionaux. Et c'est le gouvernement Jospin qui avait changé le mode de scrutin en créant un scrutin à 2 tours, un peu bâtard, mixte de proportionnel et de majoritaire pour empêcher le renouvellement d'éventuelles alliances entre la droite et la droite libérale ou prétendument droite libérale et la droite dite nationale. Et il est évident que ça a fonctionné finalement. Donc finalement, ils savent faire comme ils savaient faire avec la loi des apparentements sous la 4ème République en 1951. Alors, pour empêcher le RPF gaulliste. Non, mais je peux continuer jusqu'à demain, moi, si vous voulez. Oui, justement. Non, je voulais. Bon, alors l'idée est claire pour vous, c'est... Le plafond de verre existe, mais alors, Henri peut-être. Alors j'ai découvert avec étonnement que Jérôme Bourbon était démocrate. Il a dit que ce sont les électeurs qui décident. Alors, nous avons un système à deux tours qui est appliqué dans beaucoup d'élections. On l'a vu en mars 2015 pour les élections départementales, on vient de le voir pour les élections régionales en décembre 2015. C'est aussi le cas pour les législatives, c'est aussi le cas pour la présidentielle. Ce système à deux tours, qui a été inventé sous la Troisième République, est un système fait pour la magouille et parfaitement antidémocratique. Donc il faut commencer par le dire, on ne le sait pas assez, on dit que c'est une grande tradition française, oui, c'est une tradition de la magouille maçonnique de la Troisième République. Bon. Deuxièmement, malgré cela, il y avait de bonnes chances que le Front National l'emportât, car c'était une élection de liste. Et donc, en triangulaire, le Front National l'aura emporté très certainement dans le Nord et en Provence. S'il a été battu partout, c'est parce que le Parti Socialiste, c'est-à-dire en fait le trio Hollande, Valls, Cambadélis, a décidé de faire le front républicain. C'est un jeu de mots, John Smith. Hein. Républicain. Bon. Hein. J'avais compris. Remarquez, il n'est pas de moi, mais bon. Alors, je crois bien qu'il est de Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'il est de Jean-Marie Le Pen. Donc, rendons à César ce qui est à César et si à Jean-Marie Le Pen qui est à Jean-Marie Le Pen. Ce qui est à Jean-Marie Le Pen. Donc, le Front républicain. Alors, je voudrais insister un peu sur cette notion de Front républicain parce que, à deux égards. Premièrement, pourquoi Hollande a-t-il fait ça? Et deuxièmement, ce front est-il réellement républicain? Alors, pourquoi Hollande a-t-il fait ça? Je comprends, mais si j'étais le conseiller politique de Hollande, je ne lui aurais pas dit de faire comme ça. Pourquoi? Parce que l'intérêt de... Il vit sa rééluction et il va peut-être l'avoir. Peut-être quand même, mais il aurait pu l'avoir plus sûrement de notre manière. S'il m'avait conseillé, je lui aurais dit de faire autrement. Enfin, alors, quel est votre conseil à François Hollande? C'est trop tard, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas écouté. Et surtout, ne le lui donnez pas. Si, je donne à l'antenne publiquement. Mais c'est trop tard, de toute façon. Voilà ce qu'il aurait dû faire, à mon avis. Il aurait dû dire... Alors, il faut peut-être que j'explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait et pourquoi il aurait dû faire un peu autrement. Le problème de Hollande, il est extrêmement simple. Il a une chance d'être élu s'il est au second tour contre Marine Le Pen. Exact. Il est sûr d'être battu s'il est au second tour contre un autre. Exact. Selon toute probabilité. Donc c'est très simple. Donc pour lui, il faut que Marine Le Pen soit au second tour et que lui, Hollande, soit le numéro, soit un ou deux, plutôt deux probablement d'ailleurs au second tour, au premier tour plutôt. Donc il faut qu'il distance l'UMP. Donc exact. Il a intérêt à ce que le Front National soit fort et pompe des voix à l'UMP. Il a intérêt à ce que le Front National siphonne des voix de l'UMP. Alors, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Par exemple, pour que le Front National siphonne des voix de l'UMP, il faudrait de toute urgence que Marine Le Pen congédia le funeste Philippot qui est très gênant à cet égard. Alors, elle l'a déjà un peu moins écouté ces derniers temps, c'est pour ça qu'elle a progressé, je m'en réjouis. Cela étant dit, il faut donc, dans l'esprit de Hollande, pour la plus grande gloire du Parti Socialiste et de Hollande lui-même, que nous soyons dans cette configuration au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc il a intérêt à renforcer le Front National. Si Marine Le Pen avait gagné dans le Nord, et s'il avait été président de la région Nord, la grande région Nord, elle aurait eu un poids considérable, elle aurait eu beaucoup plus de chances. D'arriver au second tour, ce qui est très probable, c'est pas sûr, là elle serait été sûre, et deuxièmement, elle aurait eu plus de poids pour piquer les voix de l'UMP. Donc je vois qu'il a fait une erreur, mais pourquoi est-ce qu'il a fait, ça? Parce que évidemment, le problème du Parti Socialiste, c'est de rassembler la gauche, parce que pour qu'il arrive au second tour, le camarade Hollande, il a besoin que les voix de gauche se rassemblent sur lui. Elles ne le feront que si le seul argument qu'il ait pour rassembler des voix dispersées entre les gens tendance Macron ou tendance Valls, les gens tendance frondeurs, les Mélenchons et autres, j'allais dire, et autres malandrins, mais ça aurait été un mauvais jeu de mots. Non, ce serait méchant. Les autres crabes, on va dire. Bon, tous ces gens-là, qui en fait sont très divisés sur beaucoup de sujets, en tout cas sur les sujets économiques, parce qu'il y a les socialistes cosmopolites et les socialistes étatistes, en fait, c'est ça, ce sont les deux grandes tendances. Il faut qu'ils se rassemblent pour élire Hollande. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Un bon ennemi, le Front National. Et comme ces gens de gauche croient en partie à ce qu'ils disent, ils sont persuadés, en tout cas ils se persuadent, ils s'auto-persuadent que le Front National, c'est le retour de la bête immonde. Que ce sont des gens qui dorment avec un pyjama brun. Et un brassard. Et un brassard à croix gammée. Donc, il faut entretenir cette hantise. Alors, quel était donc le conseil que j'aurais donné, parce que c'est ça que vous voulez entendre, oui. Cher Martin Pelletier, c'est très simple, j'aurais dit, écoutez, il fallait même le dire à l'avance. Et à un moment donné, quand Vandalis l'a presque dit, il fallait dire, écoutez, il faut tout faire pour barrer la route à la bête immonde, c'est-à-dire le Front National. Et pour cela, il faut que les partis républicains s'engage au désistement réciproque. Donc le troisième, sortir. Règle simple, le troisième, sortir. Et ensuite, ils auraient dû dire, mais l'infâme Sarkozy a démontré qu'il avait parti lié avec la bête immonde puisqu'il refuse de se désister. Et donc ce n'est pas de notre faute, c'est de sa faute si le Front National l'emporte. Voilà, à mon avis, la tactique qui aurait été optimale pour le PS, mais tant pis pour eux, ils ne m'ont pas écouté. Merci Henri. Alors Jeanne, vous pensez... comme les deux qui vous ont précédé, qu'il n'y a rien à faire finalement pour sortir du piège. Je pense qu'en effet c'est très difficile. Le Front National, depuis quelques années, est dans une démarche autoproclamée de dédiabolisation. Moi, ce qui m'a frappé au cours de ce scrutin, c'est quand même que le plus dédiabolisateur de tous, à savoir Florian Philippot, ne l'a pas emporté alors qu'il avait le bénéfice d'une triangulaire. Que Marine Le Pen a fait moins de voix que Marion Le Pen. Alors, je ne me prononcerai pas sur la sincérité, sur l'exactitude de tout ce qui est dit de part et d'autre, je n'en sais rien. Mais ce qui me frappe, c'est que Marion Le Pen a quand même moins rompu avec certaines valeurs traditionnelles défendues traditionnellement par le Front National et dont on entend aujourd'hui peu parler, à savoir la défense de l'institution familiale, à savoir le respect de la vie. Je pense que Marion Le Pen, là-dessus, a un discours, sinon des votes, hélas, plus net. Or, elle a remporté plus de voix. Donc, je ne pense pas que ce soit ce discours-là qui empêche les gens de voter pour vous le Front National. Vous pensez que la version originale vaut mieux que la version délayée? Alors, je le pense de toute façon, parce que je l'ai toujours pensé. Je ne suis pas sûre que ce soit la version la plus à même de traverser le plafond de verre. Bon, ça, je ne suis pas prophétesse, mais ce que je constate, c'est qu'il ne suffit pas, ou qu'il n'est peut-être même pas nécessaire de sacrifier ce que l'on pense pour parvenir à un meilleur score. Maintenant, que ce score puisse dépasser les 50%, ça j'en doute beaucoup, hélas. Alors très brièvement Henri, parce qu'il y a plein de questions. Oui, allez-y. Très brièvement, non, mais Marion Maréchal Le Pen a le positionnement politique idéal. C'est-à-dire que c'est la droite de l'UMP. Bon, positionnement politique idéal. Du point de vue électoral, hein, bon. Et ça n'est pas ça n'est pas le Front National original, et ça n'est pas la tendance ni droite ni gauche de Philippot, du funeste Philippot. C'est autre chose. C'est à mon avis la ligne idéale pour le Front National si le Front National veut arriver au pouvoir. Marion Maréchal Le Pen a pompé. Elle a été battue, mais elle a eu des résultats meilleurs que ceux de Marine Le Pen. Et elle a pompé l'électorat d'Estrosi. Elle avait 10 points d'avance sur lui au premier tour. Bon. Et sans le funeste Front Républicain, elle aurait évidemment gagné. Donc, et alors, j'ajoute au passage, puisque je vois que vous me regardez avec des yeux méchants, Martin, que le point important, c'est qu'on a bien vu, notamment entre les deux tours, que plus les gens tenaient un discours de droite, plus ils progressaient. Ouais. Et je me suis réjoui, parce que j'avais appelé à voter pour le Front National dans toutes les régions, sauf dans deux. La région Île-de-France, pour des raisons que je peux expliquer, et pour l'Est, pour une raison évidente, c'est parce qu'il ne fallait surtout pas que le funeste Philippot fût élu. Et il a eu un résultat calamiteux, Philippot. Calamiteux, et je m'en suis réjoui. Et c'est la preuve que sa stratégie est débile. Mais à ce propos, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vous lis une question qui vient de m'arriver. Je profite de la présence d'Henri de Lesquin à l'antenne pour ne pas le féliciter de son abstention au deuxième tour des régionales, au moment où les patriotes ont besoin de se rassembler. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Sur quoi se rassemble-t-on ? C'est peut-être alors, ça, alors il se trouve que j'habite à Versailles, dans le département des Yvelines, et que donc je votais dans la région Île-de-France. Et j'ai dit ma position publiquement, j'ai dit voter pour le Front National, aux deux tours des élections régionales, sauf dans deux régions, l'Est à cause de Philippot, et la droite, et la deuxième région, dans l'Île-de-France, celle où j'étais, donc je me suis abstenu au second tour, à cause d'Aurélien Legrand. Aurélien Legrand, c'est un trotskiste non repenti, qui était le directeur de campagne de Valentin Saint-Just, et qui a fait une campagne style discours d'Argenteuil, qui s'appelait Banlieue Patriote. Et c'était l'horreur. D'ailleurs cette campagne était tellement abominable. De plus, Valentin Saint-Just a cru intelligent d'attaquer exclusivement Bartolone et pas Valérie Pécresse. Ce qui fait qu'il a réussi l'exploit de perdre 5% entre les deux tours. Donc, sa campagne a été catastrophique. Et voilà. Bon, voilà, la sérénité dans l'incompétence et la médiocrité, la fatuité de Valérie Saint-Just m'a toujours stupéfié. Bon, mais pour. Il ne faut pas dire de mal des amis. Mais c'est pas un ami. Moi, quand je l'ai eu en procès face à moi, bon, bref, passons. Moi aussi, c'est pour ça que bon, je dis bref. C'est vrai, oui. Oui, il était mon avocat, il a pédé contre moi une autre fois. Ah, c'est contraire à la déontologie, ça. Oui, mais il est très fort pour ça. Bon. Ah non, non, ça c'est contraire à la déontologie. Alors, en tout cas, le crime n'a pas payé, si j'ose dire, parce que le parricide, quand même assez odieux, auquel on a assisté tout au long de l'année 2015 et qui explique en grande partie les problèmes de santé de Jean-Marie Le Pen, eh bien, finalement, ça n'a pas payé, parce que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, Jean-Marie Le Pen ne pourra pas s'enlever cette tunique de Nessus. D'abord, Marine Le Pen ne pourra pas enlever cette tunique de Nessus. Elle sera à vie, la fille de Jean-Marie Le Pen, et même si elle change, comme il en est question, le nom du Front National, c'est une illusion de croire que ça suffira à la dédiaboliser. Absolument. Alors, une dernière question de politique intérieure, tout de même, s'il n'y a pas de moyen de briser le plafond de verre, est-ce qu'il y a moyen de trouver une recomposition des droites avec je ne sais qui, et à ce propos, il y a une question d'auditeur. Que pensez-vous de la posture actuelle de Philippe de Villiers, vraiment sincère ou encore en préparation d'un énième torpillage d'une candidature FN au présidentiel? Jeanne, vous avez une idée? Ou alors un de ces deux volontaires permanents? Je ne sonde ni les reins ni les cœurs. Je pense que Philippe de Villiers a prouvé par ses livres qu'il se plaçait un petit peu au-dessus du lot, mais je ne suis pas du tout sûre qu'il ait envie de rentrer dans cette bataille. Je n'ai jamais pensé qu'il servait à siphonner des voix. Ça me paraît un discours très, très électoraliste, très partisan. Et j'aimerais pour ma part voir quelqu'un qui se présente réellement sur ce qu'il pense et qui représente véritablement un courant de pensée qui n'est plus représenté. Sinon, peut-être par Marion Maréchal Le Pen prenant sa liberté et sa force. En politique, que le meilleur gagne. Donc on ne pouvait pas reprocher à Philippe de Villiers de se présenter. On pouvait lui reprocher éventuellement d'appeler à voter au second tour pour un candidat qui était cosmopolite en réalité. Bon, ça peut être, et je crains qu'il ne l'ait fait. Oui. Jérôme. Oui. Mais le problème aussi, c'est qu'il est évident que les positions sociétales de l'actuel Front National ouvrent un espace, sinon un boulevard, en tout cas au moins un espace à une droite comme celle de Philippe de Villiers, puisqu'aussi bien il est évident qu'on n'a plus là affaire aux mêmes positions que le programme classique traditionnel du Front National. Et sûr qu'avec Philippot et son entourage, Sébastien Chenu, qui avait quand même une position très importante, je crois qu'il était tête de liste dans un des départements de la liste régionale que dirigeait Jean-Marie Le Pen. Rappelez qui était Sébastien Chenu. Cofondateur de Guélib. Il paraît qu'on enseigne aux journalistes de dire toujours, c'est même vrai à Radio Courtoisie, mais les auditeurs sont excellents, Victor Hugo, grand poète français. Bon. C'est exact. Donc Sébastien Chenu, il est moins connu que Victor Hugo. Alors C'est pas vrai, aujourd'hui il est beaucoup plus connu. Bon. Co-fondateur de Guélib. Elle a préféré Sébastien Chenu au vieil homme Chenu, s'agissant... Ah, elle est excellente celle-là. Bon, alors, j'ai deux ou trois annonces à faire. On nous prie d'annoncer le 26 janvier 2016 à 10h à la Concorde, au pied de la statue de Rouen, côté Hôtel Crillon et ambassade des États-Unis. C'est une commémoration royaliste. Il y aura 233 ans, le roi très chrétien Louis XVI a été assassiné à la suite d'un procès inique. Donc il y a une commémoration. Je n'irai pas. Louis XVI est le premier responsable de la Révolution. Écoutez, Henri, il n'y a pas de question là-dessus. Pardon. Touche pas à mon roi. Bon, alors, le vendredi 22 janvier 2016 à 20h30, le général Henri Pinard-Legris, président de l'ASSAF, l'association et non pas les saucissons, de soutien à l'armée française, donne une conférence débat à 20h30 rue Bergère au numéro 9, dans le 9e. État actuel et perspective de l'armée française. Pour s'inscrire, téléphonez au 06 20 35 55 48. S'inscrire au 06 20 35 55 48 et participation apportée au buffet, apporter des boissons. Si vous me permettez une impertinence, Martin, oui, ça m'inquiète quand même énormément quand on crée une association de soutien à l'armée. Pourquoi ? Et qui est quand même censée avoir un certain nombre d'armes, y compris l'arme nucléaire. Non, c'est une boutade. SAF est une très bonne association. Sans aucun doute. Mais le général Pinard-Legris est remarquable. Oui, mais quand on a besoin de soutenir l'armée, c'est qu'il y a un véritable problème de société. D'ailleurs, un débat intéressant, c'est que c'est vrai que beaucoup d'institutions en France qui sont vitales n'ont plus un soutien spontané dans une large partie du public. Il faudrait créer une association de soutien à l'Église catholique. Je me demande de la même absurdité, mais vraiment. Je vous signale à Martin Pelletier que j'ai reçu par Twitter un message qui concerne cette émission. Puis-je le lire ? Oui, allez-y. Un auditeur de Radio Courtoisie, pour que François Hollande se qualifie au premier tour, il faut que Christiane Taubira ne se présente pas, car elle pèserait beaucoup. Pèserait vachement. Énorme. Hachement, comme on dit dans les banlieues. Bon, mais c'est l'auditeur qui le pense, ça. C'est très bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Une question. Non, on ne pose pas des questions au celui qui pose des questions. C'est le contraire. Si vous en pensez quelque chose, dites-le. Moi, je pense que c'est une simple blague. Voilà, c'est tout. Non, on dit. Non, mais ça, c'est un souvenir. Je crois que Christiane Taubira. Elle a fait zéro. Était candidate. Du Val-Vary. Christiane Taubira était candidate en 2002 et que la raison pour laquelle Jospin a été battu, éliminé au premier tour, c'est justement parce que Christiane Taubira s'était présentée. Donc c'est ce souvenir de 2002 qui tétanise les socialistes. Oui, mais je vois bien la référence, mais c'est une plaisanterie parce qu'à l'époque, elle pesait, elle a fait quoi 2%, non, 2%. Ça faisait la différence. Mais bien entendu, Henri, mais c'est parce qu'il y avait énormément d'autres candidats. Il y avait une atomisation la gauche plurielle, voilà. Qui n'avait été permise que parce que le système politico-médiatique pensait à l'époque que le Front National était durablement affaibli à la suite de la scission entre Le Pen Exactement. Et Maigret. L'écart entre premier tour entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin était inférieur au nombre Absolument, de voix obtenues par... C'est 200 000 voix environ. Non. Bon, non, mais bien entendu, mais c'est une haute position politique. La situation politique n'était pas du tout la même, avec une désunion totale de la gauche face à un FN qui ne faisait pas peur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors que là, on peut penser au contraire qu'il y aura relativement peu de candidats cette fois-ci. Du moins, c'est ce qui... Et d'ailleurs, il y a des projets de loi pour durcir les conditions d'accès... la candidature à la présidentielle, et on voit très bien que tant la gauche que la droite de l'établissement souhaitent se regrouper pour, en effet, être en finale de l'élection reine de la Ve République. Je dirais que, par certains côtés, le Front National se retrouve un peu dans la situation qui était celle du Parti communiste à sa grande époque, si j'ose dire, lorsqu'il est arrivé jusqu'à 28% des voix, mais où il était quand même complètement isolé, malgré le soutien d'un syndicat puissant, la CGT, malgré l'appui d'intellectuels nombreux, mais finalement, l'accès au pouvoir lui était interdit. Peut penser, à vue humaine en tout cas, pour les mois et les années qui viennent, que c'est ce qui peut se passer pour le Front National, sauf une catastrophe générale. Mais enfin, on a vu que même des attentats aussi spectaculaires que ceux qu'on a connus au mois de novembre n'ont pas suffi pour permettre au Front National de n'emporter qu'une seule région, de même qu'au départemental, quelques mois plus tôt, les attentats ayant visé Charlie Hebdo et d'autres lieux n'avaient pas suffi à permettre au Front National d'emporter un seul département. Au contraire, ils ont favorisé la cote de popularité de François Hollande. Absolument. Alors qu'il y a un an, on pouvait penser qu'il n'avait aucune chance à la présidentielle et qu'on pouvait même penser qu'il ne se représenterait pas tellement il ferait un score catastrophique. Et les choses ont changé. Il est certain que les grandes catastrophes profitent généralement à l'exécutif. Alors que l'exécutif est le principal responsable de ces phénomènes, voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'avoue ne pas être démocrate, parce que quand on voit la France se liquéfier de plus en plus et que nous sommes impuissants face à ces phénomènes, il y a quelque chose de vertigineux. La France s'est liquéfiée du 18e siècle, ça aboutit à la Révolution, et que je sache, elle n'était pas en démocratie, elle était en monarchie. Alors, il est quand même bizarre que cette question qui est vieille, c'est-à-dire les régionales, et qui est petite, parce que c'est la politique politicienne, passionne d'ailleurs d'abord ici, et ensuite j'ai une foultitude de, pas de questions, mais de constatations ou d'opinions. Alors, on ne va pas les lire tous, il y a juste une question, une véritable question qui a été posée là. C'est « Pourrions-nous connaître le véritable patron de l'émission ? Est-ce M. Pelletier ou M. de Lesquin ?» C'est un plaisantin qui avait ça. Henri, tu vois que tu parles trop. On ne doit pas se tutoyer à l'antenne. Vous parlez un tout petit peu trop. Il faut laisser parler Jérôme Bourbon. Bon, alors, maintenant, je voudrais qu'on... Qu'on change complètement de sujet, qu'on sorte de la France franchouillarde et qu'on se... qu'on parle d'un grand sujet, la Corée du Nord a la bombe H. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est un vrai problème, d'ailleurs, pour les uns et pour les autres ? Et deuxième question, subsidiaire, à quoi sert la Corée du Nord ? Voilà, est-ce que quelqu'un est intéressé par la politique internationale? Apparemment, pas du tout. Ah, alors, si. Quand même. Ah. Quand même. Alors, allez-y, Jeanne. Une non, voix féminine. Une voix féminine. La Corée du Nord apparaît dans le monde comme l'exception communiste qu'elle n'est pas, puisque, au fond, elle n'a pas de si mauvaises relations avec la Chine et qu'il reste quand même d'autres pays avec des logiques de fonctionnement communiste. La Corée du Nord a des velléités agressives fortement affirmées avec cette petite bombe H dont Kim Il-sung a vraiment adoré la sonorité, dit-il. Il a aimé ce petit tremblement. Ça a été un petit tremblement de terre de 5,1 quand même. A fait une démonstration de force. Je crois que dans la mesure où c'est un potentat, un autocrate et quelqu'un de passablement fou, si l'on peut en juger d'après l'état de son peuple et de son pays, je pense qu'effectivement, oui, c'est inquiétant. Est-ce que ce pays, la Corée du Nord, a une utilité? Oui, sans aucun doute, comme repoussoir, mais un repoussoir qui cache beaucoup de pays qui pose bien d'autres problèmes, mais peut-être du même ordre, justement, la permanence du communisme dans un certain nombre de pays. Vous parlez de repoussoir. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le nationaliste fou qui est là-bas, parce qu'il n'est pas décrit seulement comme un communiste, mais comme un nationaliste fou, est là pour donner la morale de l'histoire, tout nationalisme est dangereux? C'est bien possible, c'est bien possible. Là, je n'ai pas de jugement particulier à ce sujet, mais ce qui me frappe quand même, c'est que c'est bien utile d'avoir un pays qui est bien pire que tous les autres, du moins en apparence. Je ne dis pas que ça n'est pas un des pires, comprenez-moi bien. Oui, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ça peut être une vérité qui est simplement scénarisée. Voilà. Henri. Cher Martin Pelletier, d'abord, vous reconnaîtrez que je lève le doigt... C'est bien. On demandait la permission de parler. Maintenant, comme, oui. Comme en classe. Ah non, mais avant aussi. Non. Allez. Alors, la Corée du Nord, c'est un sujet très intéressant. D'abord, moi, je m'interroge sur la nature du régime, parce que c'est censé être un régime communiste. Il a été créé comme cela. Or, son idéologie officielle est assez curieuse, parce que organiser une dynastie. Le communisme, c'est la révolution. Et la révolution, c'est faite contre les rois. 1917, c'est la réplique en plus gros de 1789. Bon. Organiser une dynastie de Kim, alors on me dirait que tous les Coréens s'appellent Kim, mais là c'est quand même une vraie dynastie de Kim, et je sais qu'ils ont un nom officiel en coréen, que je ne retiens pas parce que je parle mal coréen, pour désigner leur doctrine officielle, leur philosophie officielle. Je crois que je vais me documenter sur le sujet, parce que j'aimerais bien savoir si quelqu'un peut nous expliquer comment fonctionne... ce régime. C'est déjà un régime étrange, hein. Officiellement. Enfin, il est à la fois communiste avec une idéologie qui ne l'est pas. Bon, comment fait-il pour tenir ce régime qui est complètement baroque, enfin, fou, dans son principe? Deuxièmement, alors je tiens à rassurer les auditeurs de Radio Courtoisie, la Corée du Nord, c'est très loin de la France. Très loin. C'est-à-dire que nous sommes peu concernés par les risques de la Corée du Nord. En revanche, si j'étais chinois... russe oriental du côté de Vladivostok, ou bien japonais. Ou coréen du Sud, a fortiori. Ou même américain. Ou américain, oui. Ou même vietnamien. Est-ce que justement, Henri, ça me gênerait beaucoup plus. Oui, le risque de que ça pète là-bas est quand même très grand, parce que les Chinois et les Japonais se chicornent, les Chinois et les Vietnamiens se chicornent, et au milieu de tout ça, vous avez un pays qui semble pas très, comme vous le dites, pas très contrôlable, quoi. Alors, il est quand même très isolé, parce que même au beau temps de la Chine de Mao, la Corée du Nord était à part, et maintenant... et maintenant que la Chine n'est plus vraiment communiste, il est encore plus à part. Alors moi on dit qu'économiquement ce régime est moribond, que les gens meurent de faim, mais enfin il réussit quand même à construire des bombes atomiques. Bon, alors il dit qu'il a la bombe H, et vous naïvement vous le croyez. Moi j'en sais rien. Est-ce mais que je c'est pose vrai la question, tout ça, je pose des questions. Moi, vous répondez. Non mais je crois qu'on n'en sait rien. Il dit qu'il y a eu un petit tremblement de terre. Il dit j'ai eu la bombe H. J'ai la bombe H. J'ai fait un excès nucléaire qui a parfaitement réussi. Bon, il le dit. Mais est-ce vrai? Est-ce que vous croyez qu'un Coréen communiste tendance Kim Il-sung dit forcément la vérité? Personne ne dit forcément la vérité, Henri, vous le savez vous bien. Et moi, vous et moi, Jérôme Bourbon, j'en doute, mais... Vous avez bien tort. Je pense que la Chine affirme assez fortement son communisme, et en tout cas son... son adulation du marxisme. La Corée ou la Chine ? La Chine. Non, mais là, nous parlons de la Corée. Oui, Corée je sais, mais vous parliez de la Chine. Ah, je constate que certains pays ont le droit d'avoir l'arme nucléaire, comme Israël. En revanche, d'autres pays, comme l'Iran, cela pose un problème. Y aurait-il des pays supérieurs aux autres plus égaux que d'autres. C'est assez étonnant. Oui, mais... Sur la Corée du Nord, quand même, je voudrais protester contre un propos que Martin Pelletier a tenu, en disant que... Bah, vous avez dit que c'était protester. Vous avez dit que c'était un nationaliste. Alors moi, je me trouve nationaliste, c'est un beau mot que le mot nationalisme, et je ne supporte pas qu'on dise que cette espèce de potentat communiste fanatique a quelque chose à voir avec le nationalisme. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Alors Henri de Lesquin, là, je dois pour une fois donner mon opinion personnelle, ce qui est gênant. Je suis là pour poser des questions. La question n'est pas de savoir ce qu'il est en réalité, mais de savoir comment son image est utilisée par les médias. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a toujours une fable derrière la propagande. On arrive à donner une image. Et tout ça dans la construction, justement la destruction des nations. Puisque si vous êtes comme Kim, vous, Henri de Lesquin, c'est que vous êtes déjà un peu dangereux et fou. C'est ça. Je ne suis pas comme Kim. Mais on va vous le dire. Mais bien sûr. Oh, d'ailleurs, c'est une vraie question. Bon, j'ai une auditrice très mécontente. Vous bombardez l'émission. Monsieur de Lesquin, très, très grande qualité, mais il manque de respect au roi Louis XVI, une auditrice très mécontente. Le roi Louis XVI est le responsable de la Révolution. C'est le premier responsable. Censuré. Non, c'est pas vrai. Mais bon, sûr que si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que messieurs Bompard et Chénardy, et pas monsieur Chénardy, mais madame Chénardy, ont fait voter Estrosi au second tour? Alors, il faut préciser, madame Chénardy, oui, à titre personnel. Monsieur Bompard, non. Il a même plutôt dit qu'il appelait à voter Marion Maréchal Le Pen, mais bon, il y avait quelques réserves, a sorti quelques réserves. Mais il semble effectivement que parmi cette liste, il y ait eu des divergences internes. Il faut dire qu'il y avait pas mal de rancœur compte tenu de ce qui s'était passé, puisque je rappelle qu'il y avait des conseillers régionaux FN de PACA qui avaient soutenu Jean-Marie Le Pen au moment de son exclusion par sa fille. Et bon, bah, c'est sûr que ça a suscité un certain nombre de cicatrices, de traces. Bon, le fait aussi que Marion Maréchal Le Pen avait pris d'anciens adjoints d'Estrosi. Bon, mais il était assez curieux de reprocher à Marion Maréchal Le Pen de prendre un adjoint d'Estrosi et d'appeler à voter Estrosi au deuxième tour. Bon, oui. Et ça ne peut s'expliquer que par toute une série de rancœurs. Mais je crois qu'il faut toujours éviter de faire la politique avec des sentiments, bien que la vie soit faite de sentiments. Mais, sauf l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, évidemment. Et de la civilisation. De la civilisation, l'amour de la religion, l'amour de sa femme, surtout si elle est belle, gentille et fidèle. Bon, elle a plus de mérite à aimer sa femme si elle n'est pas belle. Vous avez raison. Bon écoutez, mais les gamins, là, on revient à la politique. Ça n'est même pas sûr, elle peut être plus gentille. Allez, alors je lis une nouvelle question d'auditeur. Puisqu'on est certain, ça c'est une question qui est très importante, c'est la vieille rengaine du vote utile. Puisqu'on est certain que Le Pen sautera face à Hollande au second tour, ne vaudrait-il pas mieux voter pour Pierre-Paul Jacques, c'est-à-dire pour les Républicains, au premier tour, afin d'être en capacité de faire sortir Hollande, qui sera face à n'importe qui d'autre que Le Pen? Je crois que c'est une question importante, parce que je crois que ce qu'on appelle le vote utile risque de jouer pleinement, tant à gauche qu'à droite. C'est-à-dire que des électeurs de gauche, nous en connaissons tous, qui sont mécontents de Hollande, qui pourraient éventuellement voter pour des candidats plus à gauche, soit pour le représentant du Parti communiste ou du Front de gauche, ou pour l'extrême gauche trotskiste, ou pour tel ou tel candidat se réclamant de l'écologie politique, risque de voter par crainte du Front National et par crainte que la gauche soit absente du second tour de l'élection reine de la 5e République, il est possible que ces gens-là votent dès le premier tour pour Hollande, même s'ils sont mécontents. Et de la même manière, un certain nombre de patriotes, de nationaux peuvent se dire que comme mathématiquement, arithmétiquement, la candidate du Front National, si ça s'appelle encore le Front National d'ici là, mais enfin Marine Le Pen, n'a a priori aucune chance sur le papier, en tout cas au second tour, d'être élue à la présidence de la République dans 16 mois, parce que c'est pas dans 18 mois, c'est dans 16 mois, hein, donc ça passe très vite, eh bien, effectivement, certains se diront peut-être qu'il faut voter pour le candidat de l'UMP, mais le problème, c'est qu'en raisonnant de cette façon-là, eh bien, on perpétue le système de ce que Jean-Marie Le Pen appelait la bande des quatre, mais cela montre finalement que nous sommes véritablement dans une impasse et que la démocratie conduit à une impasse. C'est-à-dire qu'on va toujours plus loin dans le mal, dans l'inversion, dans tous les domaines, dans l'effondrement sur tous les plans, c'est quelque chose quand même d'assez inouï quand même, dans l'histoire des hommes de penser qu'on est dans une impasse. Est-ce que c'est une insurrection qu'il faut le... Mais concrètement, on a une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, que on tombe devant Henri de Lescun, on va appeler à l'insurrection, je ne crois pas. Je veux dire ce qu'il faut faire. Alors, allez-y. Il faut faire le combat politique dans tous les domaines, notamment dans le combat des idées, et pour faire réussir le rassemblement de la droite. Donc, dans un premier temps, il faut que le Front National, sur le modèle de Marie-Maréchal Le Pen, qui est un exemple à imiter par tous au Front National, fasse le rassemblement de la droite et abandonne la stratégie dite du rassemblement du non, le non par référence au référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne, stratégie débile inventée par Florian Philippot et qui explique pour une grande part les échecs du Front National au second tour. Bien. Ce rassemblement de la droite implique que le programme du Front National soit complètement différent de celui de 2012, qui est une catastrophe, notamment sur le plan économique. Et il est même nul sur le plan de l'immigration, d'ailleurs. Que le Front National est un bon programme, et surtout qu'il retire de son programme tout ce qui peut effaroucher les électeurs de l'UMP. Donc ça, c'est votre... Oui, je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui votent Front National ont une démarche presque de vote utile, parce qu'ils sont quand même nombreux à voter soit sans conviction, soit en opposition avec un certain nombre d'aberrations que vous avez pointées, Henri de Lesquin. Effectivement, on est devant un programme qui ne représente plus ce qu'était le mouvement national, et donc on est devant un paradoxe de n'avoir en vérité personne qui correspondent pleinement aujourd'hui parmi les candidats présidentiables en 2017. Jérôme, c'est votre opinion. Je crois que souvent on fait une erreur, me semble-t-il, en ciblant exclusivement les attaques sur Florian Philippot, quelles que soient les critiques fondées et graves qu'on doit faire à son endroit, parce que je crois que Philippot, ça n'est pas la cause, c'est les faits. La cause, c'est Marine Le Pen. C'est parce que Marine Le Pen est comme elle est qu'elle a choisi Philippot, qui se ressemble, ça semble. Et je rappelle quand même que si elle a accédé à la tête du Front National, grâce en grande partie quand même à son père, il en est peu payé de retour aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire, c'est quand même à la suite de débats extrêmement houleux, de départs, de purges, d'exclusions, enfin de quasiment tous les cadres historiques, hein, de Hollindre, d'Antony, de Bompard, France Tirebois, aujourd'hui décédé, mais enfin qui avait été exclu ou suspendu du Front National avant, etc. Et tout simplement parce qu'il y a eu des débats extrêmement vifs sur les questions sociétales, sur les questions d'accueil de la vie, de la famille, sur les questions d'immigration, sur les questions de résistance aux politiquement corrects, aux lobbies, sur la loi Guesso, sur toute une série de questions, et il est évident que Marine Le Pen, quelles que soient ses qualités de débatteur, d'un certain bagout, etc., quelqu'un de son père, capacité une agressivité qui sied à l'appareil médiatique. Vous faites remonter la responsabilité à Marine Le Pen. On sait que je ne suis pas mariniste, que Rivarol n'est pas mariniste, par hostilité à sa personne que j'ignore, mais tout simplement, c'est une analyse politique froide, et sincèrement... Oui, mais attendez, il faut conclure un peu plus vite. Voilà. Faut résumer, toujours par les formules, c'est un peu comme le couple Clémenceau-Mandel, c'est... Quand elle pète, c'est lui qui pue, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Non, mais vous vous souvenez de... Bon, c'est ça que ça veut dire. Si vous cherchez les formules de Clémenceau, écoutez, là, il en a fait d'autres, ils sont pires. Je voudrais faire quand même un peu l'avocat du diable, ou plutôt l'avocat de Philippot et de Marie. Oh, parce que là, je trouve qu'il faut voir quand même aussi le positif dans leur position politique. Ils ont évité quelque chose qu'on a vu ailleurs. Ils ont évité Tsipras, ils ont évité Podemos. Ils ont coupé l'herbe sous le pied de Mélenchon. Mélenchon, c'est rien. Et c'est peut-être aussi grâce à Marine. Je ne pense pas. Je pense que les gens votent pour le Front National contre l'immigration, contre une forme de disparition de la France, contre le mondialisme, contre l'augmentation des impôts, le chômage, l'insécurité, etc. Martin Pelletier vient de dire une énormité, qui est une énormité philippotesque. Philippot, ça rime avec grotesque. L'électorat du Front National est essentiellement un électorat de droite. Nous l'avons démontré il y a très longtemps dans les études du Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge. Ce n'est pas parce qu'il est populaire qu'il est de gauche. Il est populaire et de droite. L'association Terra Nova, qui est le cercle de pensée du Parti Socialiste, intéressant, parce a compris depuis longtemps que les gens modestes, les gens qui gagnent leur vie et la sueur de leur front, eh bien, ils n'étaient plus de gauche. Et c'est une raison bien simple, c'est l'immigration. C'est que la conscience de classe a été remplacée par la conscience de race. Hein, voilà ce qui s'est passé en France. Ou de civilisation. Non, la conscience de race au sens de race et d'ethnie, d'ailleurs, en l'occurrence, les deux. Et donc les classes populaires, les employés modestes, les ouvriers, ont de plus en plus découvert ou retrouvé les vraies valeurs de droite, l'attachement à la famille, à la tradition, à la patrie, etc. Bon. Il est faux que le Front National ait obtenu beaucoup de voix venant directement de la gauche. C'est faux. Bon, ça résulte de mauvaises analyses électoralistes, c'est faux. Et on l'a très bien vu d'ailleurs, de manière absolument évidente, c'était une démonstration en grandeur nature de ce que j'ai toujours soutenu, entre les deux tours, enfin au second tour des élections régionales de décembre 2015. Si le Front National avait été un parti qui piquait des voix aussi bien à gauche qu'à droite, bien là où le Parti Socialiste s'est retiré, on aurait dû voir une répartition des voix des gens qui avaient voté sur le PS au premier tour, entre les deux. Et on a bien vu que le Front National n'a absolument pas... il n'a rien nu des voix de gauche du premier tour, des voix dites de gauche du premier tour. Donc c'est la démonstration que j'avais raison, les voix du Front National, pour l'essentiel, ne peuvent venir que de l'UMP. Si vous ajoutez à ça une considération qui est non moins évidente, mais qui apparemment a longtemps échappé à Marine Le Pen et qui a toujours échappé à Florian Philippot, c'est que pour gagner au second tour, le Front National, il faut qu'il soit en face d'un candidat socialiste, PS, alors qu'il perd toujours quand il est en face d'un candidat UMP. Donc ça montre bien que dans des élections à deux tours, le Front National doit tout faire pour piquer les voix de l'UMP et surtout pour ne pas piquer le Parti Socialiste. Il faut bien comprendre qu'à gauche, il y a un véritable fanatisme révolutionnaire et c'est vrai qu'il y a une part de sincérité. Il n'y a pas seulement de la tactique dans le Front Républicain, bien sûr, qu'il y a une dimension tactique, stratégique, mais il y a aussi une vraie sincérité parce que ces gens-là sont des fanatiques, mais je dirais que c'est leur force parce qu'ils ont une conviction, et bien souvent la droite ou même les droites, souvent en manque. Et ça, je pense que c'est un moteur extrêmement puissant. L'antifascisme, même frelaté, il est certain que c'est un puissant moteur. L'histoire l'a montré et on l'a vu entre les deux tours des scrutins, où la hausse de participation a considérablement avantagé les candidats qui étaient opposés au Front National. Donc cette stratégie de diabolisation, elle continue à fonctionner incontestablement. Jeanne. Oui, pour revenir plus directement à votre question sur Tsipras en Grèce, sur Iglesias et Podemos en Espagne, on a au Royaume-Uni Jeremy Corbyn qui est un petit peu de la même eau, donc une extrême gauche qui est en train de gagner avec une certaine complicité de l'Europe, puisque l'Union européenne, en imposant un certain nombre de mesures dont on sait parfaitement qu'elles sont insupportables, je pense également à Beppe Grillo en Italie, oui, qui a gagné certaines villes et qui les mène d'une façon désastreuse, il y a donc effectivement, cette montée de l'extrême gauche. Cela dit, quand je constate que le Front National est extrêmement laïciste et propose un certain nombre, sinon tout, un certain nombre de mesures d'extrême gauche, je me dis qu'il y a quand même une certaine lointaine parenté. J'insiste sur lointaine, mais il y en a une. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement anti-européen qui est pris en compte, j'allais dire presque, par les forces politiques qui gouvernent et qui permettent d'avancer sur un socialisme rampant ou un socialisme clairement affirmé à droite et à gauche. Vous voyez ça comme une politique de gribouille un peu. Alors un on peu, me oui. dit, messieurs, vous manquez de courage, pourquoi refusez-vous d'inviter Marine, Marion, Florian ce soir dans votre émission? S'il se trouve que j'ai invité quelqu'un d'autre ce soir, ça sera Bruno Gollnisch, mais bien sûr que s'ils veulent venir, je les inviterai dans une autre émission. Voilà, et je vous rappelle qu'on est sur Radio Courtoisie, le clan de la presse. Ce soir, Henri de Lesquin, Jérôme Bourbon et Jeanne Smith. Et on va passer à une autre question, qui est une question grave, bien qu'elle soit d'une certaine manière anecdotique. C'est ce qu'on a appelé la vague d'agression sexuelle pour la nuit de la Saint-Sylvestre en Allemagne. Vous avez qu'à Cologne, on n'a pas su les chiffrer, mais enfin de très nombreux jeunes gens qui sont décrits comme apparemment d'origine arabe par la Allgemeine Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui se tous avaient des papiers des services d'immigration, toujours d'après le même journal, se sont attaqués à des Allemandes pour soit leur déchirer leurs habits, soit pour des attouchements sexuels, soit pour même, paraît-il, quelques viols avérés. Il y aurait, d'après des informations qu'on avait tout à l'heure, au moins 100 plaintes. Et il y en aura peut-être plus. Donc, il s'agirait quand même d'une question systématique. Alors, bien entendu, notre presse on dit que ces jeunes gens étaient, beaucoup de ces jeunes gens étaient ivres. Alors, la bonne solution peut-être d'interdire l'alcool, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est un Henri pense toujours, je parle sérieusement. Ou est-ce que ça a une signification vraiment politique et sociologique, quoi. Est-ce que, par exemple, vous savez que certains théologiens musulmans assurent que le viol est souvent la conséquence d'une tenue insupportable de la femme. Est-ce qu'on serait en présence de ça, une punition finalement de toutes ces fêtardes allemandes qui étaient trop court vêtues et qui se fêtaient dans la rue? Alors, je crois qu'il faut redonner un petit peu l'allure de cet événement, c'est-à-dire un millier d'hommes jeunes rassemblés sur cette place de Cologne. Alors, ayant vécu en Turquie, je vois très bien ce que ça peut donner dans les rues. On voyait relativement peu de femmes et beaucoup d'hommes jeunes, moustachus, forts et qui... Moustachus. Ah oui, forcément, en Turquie. Et qui avaient toute leur place sur le trottoir, tandis que les femmes descendaient. Bon... Devant cette place de la gare à Cologne, il y a donc un rassemblement qu'il faut bien qualifier d'ethnique, dont on a dit qu'il était essentiellement composé d'Africains et de proches orientaux, qui fêtaient la Nouvelle An. Alors, on avait renoncé à tirer des feux d'artifice pour que ces réfugiés ne soient pas remis devant des bruits leur rappelant la guerre qu'ils fuyaient. si, c'est vrai. Et alors, eux, ils avaient des pétards qu'ils ont balancés un peu partout, et ils étaient manifestement très excités. Et les femmes allemandes qui ont été agressées, alors pour beaucoup d'entre elles, volées, c'est-à-dire qu'on leur piquait leur portable et autres effets personnels, ont été agressées entre 1h et 4h du matin. Donc, en effet, il y a peut-être eu de la part de ces musulmans une espèce de mépris du style de vie allemand. Occidental, de la manière de fêter le Nouvel An qui n'est absolument pas immoral. Après tout, pourquoi est-ce que dans un pays paisible, on ne pourrait pas être dehors seul en tant que femme à cette heure-là? Et beaucoup d'entre Donc, elles, d'ailleurs, un acte de guerre n'étaient pas seules. Religieuse, idéologique. Oui, beaucoup. On raconte pas mal d'anecdotes. On raconte beaucoup. Vous exagérez. Pourquoi ce serait une exagération? Non, je ne pense pas. Première remarque. Non. Lorsqu'on voit les photos des immigrés illégaux, des migrants envahisseurs, qu'on appelle maintenant réfugiés, mais qui sont des migrants envahisseurs, on voit que ce sont presque tous des hommes jeunes. Sexe masculin, âge... Oui, mais avec un grand mépris de la dissolution des mœurs, ça c'est clair. Bon, ces hommes jeunes, lorsqu'ils viennent du Proche-Orient, on a envie de dire, mais écoutez, vous quittez votre patrie, là vous êtes en âge de prendre les armes pour défendre votre patrie. Alors, dans le camp que vous avez choisi, peut-être. Bon, mais non, ils préfèrent venir chez nous. Bon, deuxièmement... Non, mais bien entendu, c'est bien ça le problème. C'était une guerre idéologique contre l'Occident, au lieu d'une défense de leur patrie. On est bien d'accord. Excusez-moi de venir, Martin Pelletier, à des considérations terre-à-terre et quasiment physiologiques. Ce sont des hommes jeunes, qui ont l'air en bonne santé, pas affamés. Et donc, ces hommes jeunes, comment dire, ils ont des pulsions, ou des besoins, si vous préférez. Oui, je vous vois venir. Et ils sont venus sans femme. Libidineux. Ils sont venus sans femme, ils sont libidineux. Et ils voient des jolies Allemandes, enfin des jolies, elles sont pas toujours jolies, enfin des Allemandes court vêtue, eh bien, il se précipite dessus comme sur le fruit défendu. Bon. Oui, mais voilà. Seulement, il n'y a pas eu que ça. Non. J'ai vu un viol, un certain nombre d'attouchements, bon, des mains aux fesses, pardon, et puis beaucoup de vols. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de mouvement généralisé d'attaque. Nous, encore me faire plus mal voir par Martin Pelletier, mais moi, je vais prononcer une expression horrible. Mais ces jeunes Allemandes là, qui étaient là au milieu des réfugiés. C'est elles qui sont coupables. Attendez, non, mais. Elles allaient à la gare. Non, est-ce qu'elles allaient à la gare à 2h du matin? Ah oui, absolument. Écoutez, c'était la Saint-Sylvestre. Elles rentraient chez elles. Elles prenaient le train. Alors, et plusieurs d'entre elles étaient accompagnées. Alors elles étaient innocentes. Mais oui, ça c'est une vraie question. C'est-à-dire que le mensonge des médias est tel qu'elles ne s'imaginaient pas qu'il pourrait y avoir danger. Et c'est exactement ça. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la vraie question. Il y a eu des viols de ce type. Parce que j'ai lu, excusez-moi, mais j'ai lu qu'une militante des mouvements tiers-mondistes d'aide aux immigrés envahisseurs avait été violée. Bon, en Italie, je crois. C'est-à-dire ailleurs. Et ça s'est arrivé en Suède également. Eh bien, là, je dis, excusez-moi, mais je le dis, c'est très méchant, mais c'est pas méchant, c'est juste. C'est vrai. Justice immanente. Oui, mais c'est très violent. Ces gens-là, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il est possible que ces militants soient pleins de bonnes intentions. Ce sont des gens qui organisent la destruction de leur société, de leur nation et de leur civilisation. Donc, ce sont des criminels du point de vue moral. Oui, mais le criminel d'une autre manière aux filles. Le criminel des criminels, c'est Madame Angela Merkel, à qui j'ai attribué le prix Diogène du cosmopolitisme pour 2015. Très bien pour elle. Cela dit, hélas, dans l'histoire, ce n'est pas la première fois que des jeunes femmes allemandes sont violées, parce que je rappelle quand même qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes, c'est pas seulement les Russes, enfin les Alliés en général, s'en sont donnés à cœur joie, si j'ose dire. C'était bien pire, là. C'était bien pire dans la dimension. Mais il est vrai que l'Allemagne rend le peuple martyr de l'Europe au XXe siècle. Hein. Ça, on ne le dit pas assez. Et ce qui est grave, ce que vous dites, c'est très important, Jérôme Bourbon, mais ce qui est absolument invraisemblable, c'est que Mme Merkel, qui appartient au peuple allemand, lequel a été certes l'auteur de certains crimes, mais qui a été victime, qui a perdu la guerre et qui a été à cause de cela victime de crimes épouvantables, à commencer par les bombardements américains, à Dresde d'ailleurs. Absolument. Se fait repentance et se bat la coulpe encore 70 ans après que Mme Merkel a appelé à ouvrir les frontières sans aucune limite à l'immigration, en disant qu'il ne fallait pas retomber dans les errements, dans les horreurs du passé. Donc Mme Merkel est vraiment criminelle sur le plan politique. Je pense qu'il y a davantage. Je pense qu'elle est intéressée du point de vue économique dans un pays qui, hélas, est en état de suicide démographique. Voilà. Sait-on assez que beaucoup de jeunes Allemands se font stériliser, ils ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils pensent que leurs aïeux étaient d'abominables criminels et qu'il faut en quelque sorte interrompre cette race maudite. En quelque sorte, selon eux, ça a quelque chose quand même d'effrayant. Voilà à quoi amener ce bourrage de crâne depuis 70 ans selon la jurisprudence de Nuremberg. Très bien, tout cela est très vrai et surtout la figure de Mme Merkel est certainement une figure à la fois d'imbécile, parce que je crois que pour elle, l'argument économique est très fort, hein, et à la fois de criminel. Il paraît que ça crie quand même pas mal à la CSU quand il voit les résultats. Cette histoire va peut-être réveiller l'Allemagne. Elle est très contestée. Et vous aurez peut-être bientôt satisfaction, Henri. Peut-être que ça va bouger en Allemagne. Madame Merkel, je dois dire, elle réussit presque à faire paraître Sarkozy, l'infâme Sarkozy et l'abominable Hollande comme des gens modérés et sympathiques. Je ne sais pas par rapport à elle. Non, c'est vraiment... Tout de suite l'excès. Je ne sais pas s'il y aura un réveil de l'Allemagne, parce que ça fait quand même un siècle qu'on calomnie cette nation, parce que même déjà pendant la guerre de 14, on faisait croire que les Allemands coupaient les mains des petits-enfants, coupaient les seins des femmes. C'est la propagande de guerre, c'est normal. Non, mais on l'a beaucoup cru, et je dois dire que depuis 100 ans qu'on ne cesse pas de les agonir d'injures. C'était quand même nos ennemis, nos hommes français. Remarquez, moi qui suis de nationalité néerlandaise, je sais que mon père et ma mère ont extrêmement mal vécu l'occupation aux Pays-Bas. Ça n'était pas drôle. C'est toujours très difficile d'être occupé. Oui. Mais alors, il faut dire inversement que l'occupation de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale était très pénible pour les Allemands aussi. C'était extrêmement pénible, mais il n'y a pas de raison de le taire. Il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas cacher, comme ça a été un peu dit, mais il faut quand même le dire plus précisément. Il y a eu 10 millions de personnes déplacées après la guerre, dans des conditions épouvantables, et 1 million de morts vraisemblablement. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est pas une petite chose. C'est vrai que de ce point de vue-là, les quelques 150 viols de Cologne paraissent une petite chose, mais c'est quand même, à mon avis... 150 viols. Non, enfin, il y avait 105, un ou... Non, non. 150, pardon. Une centaine d'agressions diverses. Il faut forcer le trait. 150, pas viols, mais 150 Agression sexuelle. Voilà. Non, même pas. Non, il y a une centaine d'agressions de toutes sortes, dont une trentaine, quarantaine d'abus sexuels, c'est qui est beaucoup non, trop. Sévices sexuels. Abus. Abus, c'est de l'anglais. Sévices sexuels, si vous voulez, mais je voudrais bien même... Oui, mais même c'est la loi qui pratique, une loi qui parle mal. Mais c'est absolument... C'est 40, c'est pas 100, mais si ça tombait sur vous, Henri, vous ne seriez pas content. Voilà. C'est beaucoup trop. Jamais personne ne m'a mis la main aux fesses. D'accord, mais ça peut encore venir. Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise. On voit que l'immigration n'est pas une chance pour l'Allemagne. Voilà, apparemment. Elle n'est pas non plus une chance pour la France, ni pour la Corse. J'ai commis une erreur tout à l'heure, et à propos, évidemment, et tout le monde l'aura rectifié chez les auditeurs, j'ai parlé du 26 janvier, parce que le papier était écrit 26 janvier, mais la commémoration de l'assassinat de Louis XVI, c'est le 21 janvier, place de la Concorde, et non pas le 26. C'est évident. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, le clan de la presse avec Jeanne Smith, Jérôme Bourbon et Henri de Lesquin. Nous venons de parler des questions d'agression sexuelle en Allemagne. Et quelque chose qui n'est pas lié, mais qui... Ils se ressemblent quand même, parce que c'est toujours un peu les mêmes. La fortune de Daesh aurait été évaluée, mais ce sont des rumeurs. Je veux savoir si quelqu'un a de meilleures informations, à 2200 milliards de dollars. Vous croyez, Henri, que c'est une blague, précisément ? Mais oui, c'est évident. Alors, quelle est votre opinion ? Je pense qu'on n'en sait strictement rien. Que c'est certainement... Je rappelle quand même que bon, les dollars, c'est presque les euros, donc 2 milliards de dollars, ça fait 2 000 milliards d'euros. Ce serait une fortune, c'est-à-dire... Deux tiers de la dette française. La dette française est maintenant à 2 milliards d'euros. Hein, 2 000 milliards d'euros, pardon. C'est le PIB de la France. Hein, mais le PIB, c'est un revenu, ce n'est pas une fortune. Ça me paraît totalement inventé. Où serait-elle d'ailleurs cette fortune ? Excusez-moi, mais l'argent, il faut le placer quelque part. Alors je veux bien que le Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, place son argent en Arabie Saoudite, mais ça m'étonnerait parce que depuis que le camarade Abou Bakr al-Baghdadi a décidé qu'il était le calife, donc il avait droit d'exercer l'autorité sur les lieux saints de Médine et de la Mecque, je pense que l'État islamique est mal vu en Arabie Saoudite. Donc ça me paraît totalement inventé. Ce qui est vrai, et ça c'est plus intéressant, c'est que l'État islamique tire son revenu notamment du pétrole. Bon. Et le pétrole, pour tirer son revenu du pétrole, il faut d'abord le produire et ensuite le transporter. Alors on le produit dans des puits de pétrole et ensuite on le transporte en camion. Bon. Les Américains qui bombardent théoriquement l'État islamique depuis un an pouvaient facilement détruire les puits de pétrole et les camions. Un camion-citerne, c'est vachement repérable. Hein. Bon. Oui, mais ils le font ils ne l'ont pas fait. Ce sont les Russes qui ont commencé à le faire il y a un mois. Les Américains ne l'ont jamais fait. Conclusion, les Américains ne voulaient pas terrasser l'État islamique. Les Américains ont bombardé, quand il fallait, l'État islamique pour permettre aux Kurdes, à leurs amis kurdes, de prendre des villes importantes, Sinjar, Kobané. Bon. Mais si les Américains avaient vraiment voulu éliminer l'État islamique, ils auraient atteint l'État islamique au portefeuille, l'argent étant, comme vous le savez, Martin Pelletier, le nerf de la guerre. Et ils auraient donc bombardé les puits de pétrole et au minimum les camions-citernes. J'ai lu quelque part un journaliste qui disait ils ne l'ont pas fait parce que les camions-citernes étaient conduits par des civils et c'était par... Ouais. Alors là, c'est une grosse rigolade. Les Américains épargnant les civils, il faudra demander ça aux habitants d'Hiroshima. Là, je veux dire, c'est vraiment un comique suprême. Vous avez raison, on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, si les Américains n'avaient pas voulu que Daesh existe, ils l'auraient coincé dans l'œuf. Le Daesh est une création du désordre américain. Savez-vous pourquoi ? Vous aimez le dire. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça va dans les intérêts d'Israël. Et ça n'est peut-être pas la seule raison, mais c'est un intérêt. Pourquoi ça va dans les intérêts d'Israël ? J'ai eu l'explication dans deux articles, qui sont parus en 2011, dès 2011. L'un qui était d'Alexandre Adler dans le Figaro, et l'autre qui était d'un certain Richard Pipes, que j'ai lu sur Internet, je ne sais pas où il a été publié d'abord. sont deux juifs, l'un américain, l'autre français, l'un français, l'autre américain, si vous préférez, qui sont en fait très pro-israéliens, ce sont des agents d'influence d'Israël. Ils expliquaient l'un et l'autre, à propos de la guerre de Syrie qui venait d'éclater. D'abord, ils pensaient à l'époque que le régime syrien allait s'effondrer rapidement. Mais ils disaient, l'intérêt de l'Occident, j'ai traduit l'intérêt d'Israël, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Parce que si vous êtes Netanyahou, monsieur Martin Pelletier... Ouais, ça me plaît. Vous gouvernez l'État d'Israël, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes entouré de pays musulmans. Mais vous savez qu'au Proche-Orient, il y a des sunnites et des chiites. Puis que depuis la bataille de Safine en 657, les chiites et les sunnites passent leur temps à se taper sur la figure. Eh bien, vous souhaitez rallumer la flamme de la haine entre sunnites et chiites. Et de ce point de vue-là, vous allez soutenir l'État islamique contre Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda a une autre stratégie. Vous savez que l'État islamique est une scission d'Al-Qaïda qui s'est faite justement sur ce terrain, parce qu'Al-Qaïda considère que l'ennemi principal, c'est l'Occident, et que les chiites, qui sont peut-être des apostats, ne sont pas des ennemis principaux, et alors que l'État islamique, lui, attaque d'abord les chiites. Quand on nous dit que l'État islamique tue beaucoup plus de musulmans que de chrétiens, c'est la stricte vérité. Hein. Il tue essentiellement des chiites. Et nous sommes d'accord. Mais si on voit les choses sur un laps de temps plus court, on a depuis les 50 dernières années, il y a 30 ans, les pires, c'était les chiites. Aujourd'hui, il y a une très forte propagande anti-sunnite. J'ai toujours été pro-chiite, pour ma part. Mais non, mais je dis simplement... Vous savez pourquoi ? Non, je ne sais pas pourquoi. La question n'est pas là. La question est de savoir, de se demander pourquoi, dans les années 70 jusqu'à 2000, on faisait beaucoup de propagande anti-chiite, et maintenant... en Occident. Et maintenant, on fait de la propagande anti-sunnite. C'est l'intérêt de ces questions, c'est des questions de propagande. Sur le fond, on sait très bien que les deux valent ce qu'ils valent. Bon, alors, on me propose des sujets à débattre ce soir. Et un qui concerne Jan Smith. Est-ce que vous pourriez évoquer les déboires judiciaires de M. Zemmour sur les propos publiés dans le Corriere de la Sera? Est-ce que ça vous branche? Ah non, ça ne... Ça me brancherait beaucoup, mais hélas, je ne l'ai pas suivi. Je préfère donc laisser la main. Ah, vous laissez la main. Et, Jérôme, ils sont... Bon, Henri, c'est la dernière fois que tu viens ici. Hein, parce que ça, tu fiches le... Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Zemmour? Je crois de mémoire qu'il a été condamné à 3000 euros d'amende. C'est exactement ça. Je pense que cela participe de la réduction croissante de la liberté d'expression en France, mais il faut dire que l'origine du mal, c'est quand même la loi Pleven, hein, puisque c'est exactement en son nom qu'il a été condamné, qui date de 1972, et donc une majorité de droite. Est-ce qu'on attaque pas trop la loi Fabius? Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer plus la loi Pleven? On dit toujours jusqu'à commencer la décadence. Non, la décadence a commencé sous Pompidou. Enfin, elle a commencé. Ah, ça, c'est très vrai, absolument. Absolument. Mais alors moi, je peux dire un mot sur Zemmour. Ah, bon. Tu as le droit quand tu fais... Alors, vous avez écrit, Martin Pelletier, un excellent livre sur Zemmour sur le plan littéraire. Hein, le titre est un petit peu... J'ose même pas dire le titre, d'ailleurs. À poil Zemmour. Ouais, ben voilà, donc c'est pour ça que je ne le dis pas. Ce livre est très, très... C'est vraiment un chef-d'œuvre littéraire. Bon. Mais littérature et politique, ça ne fait pas toujours bon ménage. Et moi, je pense que l'action de Zemmour... Bon, d'abord, Zemmour occupe une place en empêchant des gens qui sont plus qualifiés que lui, peut-être Martin Pelletier ou Jean-Yves Le Gallo, ou Jérôme Bourbon ou Jeanne Smith. Antérieur à lui, qui utilisait cette place. Attendez, non, mais Martin Pelletier, vous avez beaucoup plus de talent que Zemmour, et pourtant, vous êtes moins connu que lui. Là, il sait me prendre. Allez, continuez. Non, mais vous êtes moins connu que lui. Bon, et pourquoi? Parce que vous ne servez pas le système. Et c'est... Pourtant, vous avez essayé, hein, vous avez appelé à voter Sarkozy. J'ai essayé, j'ai tout fait, Sarkozy ne m'a pas voulu. Mais vous avez eu beau appeler à voter Sarkozy, ce qui m'a provoqué presque une attaque quand j'ai lu ça sous votre plume. Non, mais alors sérieusement, Zemmour, je pense être essentiellement négatif. Il explique que la France est déjà morte, son livre s'appelle Le suicide français, et surtout, Zemmour n'aime pas la France. Il a écrit un livre qui s'appelle Mélancolie française, où il dit tout le mal qu'il pense de la France. Zemmour est quelqu'un qui vous dit non pas que la France aujourd'hui est en décadence, mais que la France a toujours tout raté. C'est quelqu'un, on le présente comme... Les gens sont tellement naïfs qu'il le prenne pour un patriote français, pour quelqu'un qui aime la France, alors qu'il explique dans ce livre, qu'il a signé, je ne dis pas qu'il l'a écrit, mais enfin il l'a assumé, que la France a toujours tout raté. Ce qui est une stupidité offensante à l'égard de la grandeur de la France. Enfin, la France est un pays immense, et je pense que quand on veut être un Français, on doit s'incliner avec vénération, modestie, humilité devant la grandeur de ceux qui nous ont précédés. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. Bon, alors il a été condamné, c'était évidemment, il a été condamné. Bon, premièrement, il n'est pas le seul. Et deuxièmement, toute la publicité que les braves gens de droite lui ont fait à cette occasion, ça a fait augmenter ses ventes tellement qu'il a gagné 100 fois ce qu'il a perdu en amende. Donc il a fait un très bon coup publicitaire. On le présente comme un héros. Qu'est-ce que c'est que 3000 euros par rapport aux redevances qu'il a tirées de la vente du suicide français, voyons, grâce notamment à la publicité que Rivarol lui a faite. Ouais, c'est grâce à nous, ça c'est bien. Henri, justement, je crois que vous n'avez pas lu le livre avec suffisamment d'attention, parce qu'il est extrêmement critique pour Éric Zemmour. Mais maintenant, je voudrais quand même... En tout cas, il est excellent. Je n'ai qu'assez d'attention pour voir que c'était... Non, mais parce que... Vous avez trop vu le Martin style. Martin Pelletier est un écrivain, ce n'est pas seulement un journaliste, un écrivain d'un immense talent. Bon. Et je dois dire que son livre sur Zemmour, qui a un titre ridicule, avec tout le respect que je lui dois, un contenu absolument remarquable. C'est vraiment de la très bonne littérature. Oui, mais alors arrêtez, parce que je vais rougir d'abord, et puis ça n'intéresse plus les jeunes. Ce que je voulais dire simplement, c'est que vous avez une très mauvaise influence sur les dames qui vous écoutent, à propos de l'affaire des agressions sexuelles, où vous prenez la chose en... finalement, en badinant. Ah, pas du tout. Je suis une vieille femme bien élevée, mais pourquoi ne mettons pas des BMC pour ces jeunes gens? N'y avez-vous pas pensé? Alors, voilà, il faudra dire BMC. Qu'est-ce que ça veut dire, BMC? Non, moi, je ne dirais pas ça. Alors, il faut traduire. BMC, ça veut dire bordel militaire de campagne. Voilà. Et la chanson des BMC, c'est La Main de Long. Voilà. Bon, alors, je vois simplement des... Oui. C'est bien ce que je pensais tout à l'heure, quand je disais que ça faisait une partie de la dette de la France, 2000 milliards d'euros, ça fait plus de 3 ans que ce chiffre a été publié, et toutefois qu'il soit juste, mais plutôt plus élevé, d'après notre 2000 milliards, oui, c'est, à mon avis, tout dépend des critères qu'on adopte. 3 000, oui, il est plus cher. Mais enfin, c'est pas, enfin, si, c'est très important, mais voilà. Je sais simplement que Sarkozy l'a augmenté de 600, la moitié de 600 milliards, mais que ça n'a pas ralenti sous... Sous le camarade François Hollande. Non, certainement pas. Certainement pas. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une offensive, c'est la politique intérieure, on sent qu'il y a une offensive pro-Juppé quand même en ce moment. Hein, parce que moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire à ces sondages mirobolants, comme quoi il y aurait une envie populaire d'Alain Juppé. Vous voulez encore faire passer Sarkozy, mais non, mais c'est incroyable. Non, pas du tout. Jérôme Bourbon. Non, mais attends, le droit. Vous appelez à voter Sarkozy une fois de plus. Non, absolument pas, mais a-t-on le droit de critiquer Juppé? Juppé, c'est quand même. Je crois que Jean-Marie Le Pen disait que Chirac c'était Jospin Empire. J'ai envie de dire que Juppé c'est Hollande Empire. Parce que je pense si que, vous voulez, mais voilà. C'est pas Sarkozy Empire. C'est Sarkozy en mieux. Non, c'est pas en mieux du tout. En mieux, je ne pense pas. Ah non. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure que faire. On est actuellement dans un piège total. On ne voit pas. C'est quoi, ça la démocratie. Bienvenue en démocratie. Alors, je dois encore faire une petite annonce. Dimanche 10 janvier, c'est donc ce dimanche 2016 à 15h, dans l'église Saint-Odile à Paris, dans le 17e, on annonce une concert de la charité au profit de l'association Fraternité en Irak, Andéol Chartier. Donc, il y aura du grégorien, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, Palestrina, Lassus Händel, César Franck. Voilà, tout ça, c'est donc le dimanche 10 janvier 2016 à 15h en église Saint-Odile à Paris. Alors, justement, à propos des migrants dont vous venez de parler, Henri, il y a le président tchèque qui a fait une déclaration fracassante, imputant le mouvement qui est en train de se... manifesté et qui a jeté 1 million de migrants, puisque de prétendus réfugiés sur l'Europe, et impute la responsabilité de ce mouvement à tout simplement aux frères musulmans. Il prétend le savoir de deux sources. Or, ce monsieur est quand même quelqu'un de sérieux. Il dirige la Tchécoslovaquie, la Tchéquie. Il a été de nombreuses années Premier ministre. On sait aussi que c'est un sioniste fervent. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette déclaration ? C'est du sérieux, c'est pas du sérieux ? C'est une façon d'envenimer les choses ou pas ? J'aimerais avoir l'opinion des journalistes spécialisés. Personne. Si on était dans la poche des frères musulmans, on en saurait peut-être un peu plus. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de longue date dans les pays musulmans du Proche-Orient une volonté à l'égard de l'Europe et que finalement c'est une excellente occasion, même s'ils ne l'ont pas organisée, et qu'il n'y a pas à douter, à mon avis, que cela soit en effet mis à profit. Lorsque nous étions en Turquie dans les années 80, nous avions au consulat des Pays-Bas un interprète turc. À qui ma mère disait très gentiment en prenant le thé, mais vous avez une sœur, un beau-frère aux Pays-Bas, ça doit être difficile pour eux de vivre dans ce pays froid alors que vous avez cette magnifique Turquie où il fait bon. Vous n'y sont pas chez eux, ça doit quand même être compliqué. Et il lui répondait, mais madame, aux Pays-Bas, c'est nous qui avons les enfants. Donc c'était un type tout à fait agréable, mais qui disait les choses comme il les pensait. Et je pense que réellement, il peut y avoir de la part de certains musulmans une vraie volonté de s'installer et de récupérer ce qu'ils considèrent comme étant à eux depuis fort longtemps. C'est donc, en quelque sorte, la prophétie de Boumediene qui se réalise. Je pense que ça, de manière opportuniste, il n'y a pas de raison de l'écarter d'emblée. Henri de Lesquin veut dire quelque chose là-dessus. Alors, les Frères musulmans, c'est une organisation bien déterminée, créée en Égypte. Oui. Qui a une antenne en France qui s'appelle l'UOIF, Union des Organisations Islamiques de France. L'UOIF, oui. C'est la branche française des Frères musulmans. Ce n'est pas officiel, mais tout le monde sait que c'est ça la vérité. C'est vrai. Avec notamment Tariq Ramadan, qui est l'un des intellectuels musulmans les plus répandus dans les médias. Et les membres de Bordeaux en fait partie, celui qui l'a mis dans la Juppé. Alors, mais il faut savoir, ce que dit, il serait probable que le président tchèque dit la vérité. Il a certainement plus d'informations que moi, peut-être que vous aussi, Martin Pelletier. Et il n'y a pas de raison, alors à moins de supposer qu'il ait des intentions perfides pour diaboliser particulièrement les frères musulmans, j'en sais rien. Mais moi, je crois qu'il dit la vérité. Donc, ce sont les frères musulmans qui sont à la manœuvre. Alors, il faut savoir que l'islam, heureusement, est très divisé. Nous avons parlé de la division entre les chiites et les sunnites, mais à l'intérieur des sunnites, il y a aussi des divisions très considérables. Car en Égypte, comme vous le savez, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Et il y a de bons musulmans, oui, absolument. J'en connais au moins deux, le maréchal Sissi en Égypte et Mohamed VI au Maroc. Ce sont des gens raisonnables. Je ne dis pas qu'il faut se convertir à l'islam, mais je dis qu'il y a des musulmans qui sont avec qui on peut s'entendre et d'autres avec qui on ne peut pas s'entendre. Donc les frères musulmans sont une organisation qui considère... Alors qu'il y a une stratégie différente de celle d'Al-Qaïda, qui veut conquérir les pays de manière pacifique, par le ventre des femmes, et non pas bêtement en faisant des actes terroristes, qui sont en fait, à leurs yeux, le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut simplement faire venir le plus possible d'immigrés musulmans, faire faire aux femmes musulmanes le plus possible d'enfants, pour qu'ensuite ils aient la majorité. Voilà l'idée. Il faudrait rappeler que les frères musulmans ont été... entièrement financé par l'intelligence service dans les années 20 contre les officiers libres, puis ensuite contre Nasser. Donc c'est parce qu'il faut essayer de voir d'où partent les coups de billard à bande. Il est clair aussi que les États-Unis ont favorisé l'installation de l'islam en Europe, n'oubliez notamment pas, au moment de la guerre de Yougoslavie. N'oubliez pas, Martin Pelletier, c'est que dans le monde sunnite, il y avait une division entre le Qatar qui soutenait les frères musulmans, qui les soutient peut-être encore, et puis de l'autre côté l'Arabie saoudite, et puis ses vassaux, comme les Émirats arabes unis et les Émirats arabes unis essentiellement, et le Koweït, qui eux étaient très hostiles aux frères musulmans. Alors est-ce que c'est seulement pour des raisons d'organisation, de pouvoir, ou bien pour des raisons plus théologiques? Je ne sais pas trop, je veux dire, j'avoue mon ignorance. Les frères musulmans sont une organisation qui a été créée en 1920 en Égypte, qui est une doctrine un peu écuménique, si vous voulez. Hein. C'est, ils veulent occulter ou effacer ou minimiser les différences entre musulmans. C'est pour ça que je parlais de coup de billard à bande, c'est qu'on ne voit plus comment exactement d'où ça part, d'où ça arrive. Alors, il ne reste plus que 3 minutes, c'est très dommage parce que j'avais des questions à vous poser, Jeanne, sur les questions finalement de ce qu'on dit sociétal ou bioéthique, sur les questions d'euthanasie aux Pays-Bas, parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, le Benelux sur tout ce qui est euthanasie, LGBT, mariage pour tous, est très en pointe. Alors qu'est-ce qui toujours se passe encore en pointe. Alors ce qui se passe maintenant aux Pays-Bas, c'est qu'il y a un mouvement de fond pour obtenir le droit d'euthanasier les personnes une fois devenues démentes, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont plus en état d'exprimer leur volonté. Il faut savoir que le régime néerlandais de l'euthanasie est celui où les médecins ont le dernier mot, mais ils s'enquièrent toujours et jusqu'à la dernière minute de la volonté du patient. Alors, est-ce que ça se fait à chaque fois? Je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus dans l'exécution des euthanasies. Mais légalement, en tout cas, la volonté du patient doit être consultée et le médecin décide. Et ça ne sera plus le cas. Et aujourd'hui, il y a un fort mouvement qui est soutenu par le gouvernement de tenir compte des déclarations anticipées, c'est-à-dire qu'une personne qui est toujours en état de prendre une décision dit « si je me trouve dans telle ou telle situation, par exemple en état de démence et de souffrance, je désire être euthanasié ». Et ce mouvement est intéressant parce qu'il s'agit vraiment, à mon sens, d'éliminer les gens qui sont un poids pour l'économie et on le camoufle, on l'occulte sous le respect de leur dernière volonté exprimée. Alors, il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de médecins néerlandais, même beaucoup, qui rechignent devant cela, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante de la volonté du patient dans ces cas-là. C'est intéressant à noter. Actuellement, on tue plutôt les gens en voie de devenir déments parce qu'on estime que ces personnes peuvent encore exprimer leur volonté. C'est préventif. Alors. C'est préventif. Oui, oui, ça existe, à raison de plusieurs dizaines par an maintenant. Bon, écoutez, on avait plein de sujets. J'aurais aimé qu'on parle de ce qui se passe au Luxembourg, parce qu'il y a maintenant ce qu'ils appellent en bon français des Diversity Day, et où se font de la propagande pour... Le jour de la diversité. Oui, oui, oui, c'est ça. L'anglais n'est pas langue officielle en Luxembourg. Hein. C'est ce que je voulais dire, on n'a pas le temps d'en parler, mais justement, le français, le luxembourgeois et l'allemand sont 3 langues officielles, et l'anglais pas du tout, mais avec le mouvement sociologique et les modes, ce genre de choses se font en anglais, et c'est extraordinaire parce que c'est à la fois, c'est exactement comme c'est le drapeau arc-en-ciel, à la fois la diversité, sexuelle et la diversité des peuples. Alors voilà, on va se terminer là-dessus. Bonsoir à tous les auditeurs, bonne année, nous sommes très en retard. Et bonne fête de l'Épiphanie, qui liturgiquement est une fête plus importante que Noël encore. Au revoir et merci à tous trois.